comme la nature a donné des termes à la stature d'un homme bien conformé, passé lesquels elle ne fait plus que des géants ou des nains, il y a de même, eu égard à la meilleure constitution de l'État, des bornes à l'étendue qu'il peut avoir, afin qu'il ne soit ni trop grand pour pouvoir être bien gouverné, ni trop petit pour pouvoir se maintenir par lui-même. Il y a, dans tout corps politique, un maximum de force qui ne saurait dépasser, et duquel souvent il s'éloigne à force de s'agrandir. Plus le lien social s'étend, plus il se relâche. Et en général, un petit État est proportionnellement plus fort qu'un grand. Mille raisons démontrent cette maxime. Premièrement, l'administration devient plus pénible dans les grandes distances, comme un poids devient plus lourd au bout d'un plus grand levier. Elle devient aussi plus onéreuse à mesure que les degrés se multiplient, car chaque ville a d'abord la sienne, que le peuple paye. Chaque district, la sienne encore, payée par le peuple. Ensuite, chaque province, puis les grands gouvernements. Et toujours aux dépens du malheureux peuple. Enfin, via l'administration suprême, qui écrase tout. Tant de surcharges épuisent continuellement les sujets. Loin d'être mieux gouvernés par tous ces différents ordres, ils le sont moins bien que s'il n'y en avait qu'un seul au-dessus d'eux. Ce n'est pas tout. Le peuple a moins d'affection pour ses chefs qu'il ne voit jamais, pour la patrie qui est à ses yeux comme le monde, et pour que ses concitoyens, dont la plupart lui sont étrangers. Les mêmes lois ne peuvent convenir à tant de provinces diverses qui ont des mœurs différentes, qui vivent sous des climats opposés et qui ne peuvent souffrir la même forme de gouvernement. Les talents sont enfouis, les vertus ignorées, les vices impunis dans cette multitude d'hommes inconnus les uns aux autres, que le chef de l'administration suprême rassemble dans un même lieu. Enfin, les mesures qu'il faut prendre pour maintenir l'autorité générale, à laquelle tant d'officiers éloignés veulent se soustraire ou en imposer, absorbent tous les soins publics. Il n'en reste plus pour le bonheur du peuple, à peine en reste-t-il pour sa défense au besoin. Et c'est ainsi qu'un corps trop grand, pour sa constitution, s'affaisse et périt écrasé sous son propre poids.